La mer est folle, s'agite, une coupole hermétique, enferme mes pensées, mon monde aussi. Une poésie indécise sur le parasol, je m'abrite, une boussole frénétique indique un sentier vers l'infini. Une poésie indécise. Rupture, je veux partir dans le futur pour savoir à qui je dirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. Rupture, je veux partir dans le futur. Pour savoir à qui je lirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. De l'arc-en-ciel à la lune, en excès d'être dramatique. J'ai peur de te perdre, j'ai peur de nous perdre. Suis-je une poésie indécise? Entre loisirs et amour, je souffre. J'escalade montagne de douleur. J'aime me perdre la nuit et remplacer la route par des éclaboussures de couleurs. J'ai peur de te perdre, j'ai peur de nous perdre. J'ai peur de te perdre, j'ai peur de nous perdre. J'suis une poésie indécise. Rupture, je veux partir dans le futur. Pour savoir à qui je dirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. Rupture, je veux partir dans le futur. Pour savoir à qui je lirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. Muscles relâchés, je commence à m'attacher un peu. Tout ce que j'ai déjà fait, on commence à le faire à deux. Cheveux dans le vent, mon cœur commence à prendre feu. Dis-moi que ce n'est pas toi que je veux. Muscles relâchés, je commence à m'attacher un peu. Tout ce que j'ai déjà fait, on commence à le faire à deux. Cheveux dans le vent, mon cœur commence à prendre feu. Suis-je une poésie indécise? Rupture, je veux partir dans le futur. Pour savoir à qui je dirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. Rupture, je veux partir dans le futur. Pour savoir à qui je lirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème.